Alors, comment diriez-vous quand voulez-vous le voir? Ici, pour dire le dans le voir, comme il s'agit d'une chose, on va employer le même mot que pour dire ce, cela, comme dans c'est bien, qui se disait Es ist gut. C'est bien cela. Es ist gut. Bien donc, es, c'est cela, mais aussi le. Comment diriez-vous quand voulez-vous le voir? Wann wollen Sie es sehen? Bien. Wann wollen Sie es sehen? Et comment dit-on pouvez-vous? Pouvez-vous? Können Sie? Können Sie? Oui, donc pouvez-vous le voir se dit Können Sie es sehen? Sehen. Können Sie es sehen? Können Sie es sehen? Können Sie es sehen? Donc, können Sie? Pouvez-vous? Je peux se dit ich kann. Comme un grand-père qui vous dirait tout content, maintenant, avec ma canne, je peux marcher. Donc, ich kann, c'est je peux. Le mot pour je est ich. En français, ce son n'existe pas, et je veux être sûre que vous le prononciez bien. C'est le son du CH allemand. Ich. Je. Ich. Ça s'écrit I-C-H et se prononce ich. C'est comme le son ch, mais adouci. Ich. Les Français prononcent souvent ich, mais en allemand standard, il faut dire ich. Ich. Il est vrai que dans certaines régions du sud de l'Allemagne ou en Autriche, on prononce le CH allemand de ich plus proche du sch français. Mais encore une fois, il faut s'entraîner à dire ich. Le son vient plus du fond de la bouche que dans ich. Ich. Donc, je, ich. À vous d'essayer. Ich. Ich. Ich. Ich. Bien. À vous maintenant. Comment dit-on je en allemand? Ich. Ich. Ich. Ich. Donc, ich kann, je peux. Comment dites-vous je peux le voir? Ich kann es sehen. Bien. Ich kann es sehen. Et je peux le faire? Ich kann es tun. Bien. Ich kann es tun. Je peux le faire ce soir? Ich kann es. Ich kann es. Oui. Et maintenant, ce soir, mot à mot, aujourd'hui, soir? Heute Abend. Heute Abend. Et donc, je peux le faire ce soir, ça sera? Ich kann es heute Abend tun. Ich kann es heute Abend tun. Là, vous avez deux verbes, kann et tun. Le second doit être à la fin. Je veux se dit ich will. Et will s'écrit W-I-2-L. Je veux, ich will. Je veux une villa. Ich will. Comment dira-t-on je veux le faire? Ich will es tun. Bien. Ich will es tun. Et je veux le faire ce soir? Ich will es tun heute Abend. Attention, ici encore vous avez deux verbes, will et tun. Le deuxième doit donc être à la fin. Ich will es heute Abend tun. Très bien. Ich will es heute Abend tun. Voulez-vous, se dit? Wollen Sie? Wollen Sie? Donc, vous voulez, se dira Sie. Vous voulez? Sie wollen. Encore une fois, vous voulez? Sie wollen. Sie wollen. Très bien. Sie wollen. Le mot pour si et wenn. Wenn, qui s'écrit W-E-2-N, wenn, à ne pas confondre avec wann, W-A-2-N. Wann signifie quand, mais si se dit wenn. Si, comme dans si je veux, si je peux, et surtout si j'ai de la veine. Donc, si, c'est wenn. W-E-2-N. Comment diriez-vous quand voulez-vous? Wann wollen Sie? Wann wollen Sie? Et maintenant, si vous voulez, se dira. Voyons d'abord si. Voyons si vous avez de la veine. Wann wollen Sie? Non, je n'ai pas dit si voulez-vous, mais si vous voulez. Si, wenn. Si, se dit wenn, oui. Vous? Wenn Sie wollen. Bien. Wenn Sie wollen. Encore une fois. Voulez-vous, se dit? Wollen Sie? Wollen Sie, oui. Et vous voulez? Sie wollen. Sie wollen. Bien.